sans fond. Aujourd'hui, le Père Noël vous souhaite la bienvenue sur son tout nouveau site internet de contes interactifs. Lorsque vous entendrez le son des grelots, vous pourrez prendre une petite pause et en profiter pour aller faire pipi, ou encore donner une volée à votre petit frère, ou encore aller surfer sur un site porno à l'insu de vos parents. Il était une fois un Père Noël aux prises avec un grave problème, après des années de quiétude et de prospérité au sein de son royaume doré. Imaginez! Il était maintenant aux prises avec un problème de vieillissement de population et de pénurie de main-d'œuvre. En effet, l'année précédente, tous ces vieux lutins fidèles avaient découvert les croisières en Alaska, les ligues de quilles et le Viagra. Alors, ils avaient tous décidé de prendre leur retraite. Le Père Noël dut se résigner à se faire faire une grosse pancarte où on pouvait lire « Nous s'embauchons » et à se préparer à éplucher une montagne de CV. Parmi tous les CV reçus, il y en eut un en particulier qui attira son attention. C'était celui d'un postulant possédant un diplôme de l'École des hautes études commerciales. Il fit venir ce candidat prometteur pour lui faire passer une entrevue. Le lutin Smith, car tel était son nom, fit grande impression sur le Père Noël. « D'ici 2 ans, je peux tripler le rendement boursier de votre entreprise », promit-il. Le Père Noël embaucha le lutin Smith comme directeur des opérations, même s'il était un peu réticent à confier les rênes de son royaume à un lutin à cravate. Au bout d'un an, les rendements sur l'avoir brut et les bénéfices avaient bondi à des hauteurs vertigineuses. Le lutin Smith proposa que le Père Noël prenne sa retraite à son tour. Il serait remplacé par un robot et tous les enfants n'y verraient que du feu. Le Père Noël accepta. 3 ans plus tard, le Père Noël, qui travaillait maintenant dans une quincaillerie grande surface, aperçut d'un jour avec stupéfaction une énorme manifestation d'enfants. Le Père Noël est un mafiosi. Le Père Noël est un voleur. Le Père Noël n'existe pour les riches, pouvait-on lire sur les pancartes des manifestants. Un petit polisson, la morve au nez, avait même inscrit « Le Père Noël est un crosseur !» Choqué, le Père Noël fit une petite enquête chez les enfants. Ce qui était arrivé, c'est que lutin Smith avait pris le contrôle du royaume du pôle Nord après le départ du Père Noël. Il avait alors institué un système avec lequel les parents des enfants riches devaient lui verser une taxe spéciale sur tout cadeau reçu. Quant aux enfants pauvres, ils devaient se contenter désormais de pommes et d'oranges. Sans plus tarder, le Père Noël rassembla ses vieux lutins, qui travaillaient maintenant tous dans des quincailleries grande surface, et remonta avec eux jusqu'au pôle Nord pour reprendre le contrôle de la situation. Le vilain lutin Smith fut condamné à 10 ans d'emballage de cadeaux, période pendant laquelle il compta les jours le séparant de son départ pour les îles Mukmuk, là où l'attendaient d'importantes sommes d'argent qu'il avait détournées secrètement. Quant au Père Noël, il reprit le boulot le sourire aux lèvres, car il avait quand même découvert le Viagra.